pour condamner les États-Unis et les autorités sud-coréennes qui livrent les exercices militaires conjoints de nature agressive contre notre République, l'Association d'amitié Nigeria-Corée et le président de l'Association d'amitié et de solidarité Congo-démocratique-Corée ont publié une déclaration et une communication. Par ailleurs, contre les manœuvres américaines de suppression de la Corée, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Baek-to-san 2017, le comité Suisse-Corée et le cercle d'études des Jujutsu de Suisse ont publié une déclaration commune, alors que le représentant de l'Organisation pour la victoire du peuple guyanais une communication.